Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. J'espère que tu es bien assis confortablement sur ton lit, dans ton canapé ou dans ta voiture, je ne sais pas trop. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner la méthode pour ne pas tuer ta rentabilité. Laisse-moi me présenter, je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description, au-dessus ou en-dessous de la vidéo. Tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie directement. Nous allons donc voir la méthode pour ne pas tuer ta rentabilité. Je vais te donner les trois astuces majeures pour être sûr de ne pas tuer ta rentabilité. L'astuce numéro 1, c'est assez simple, tu as mis en place une stratégie. Si tu suis, si tu as suivi des formations, si tu es inscrit dans des mastermind ou dans des clubs privés, si tu suis des investisseurs expérimentés, normalement tu as mis en place une stratégie. Cette stratégie, c'est pas très compliqué. Tu t'es inspiré de ce que t'ont appris les formateurs ou alors dans les séminaires immobiliers, etc. Tu as mis en place une stratégie qui doit marcher. Donc à partir du moment où tu es d'accord avec cette stratégie, ou par exemple tu l'as fait valider par un investisseur plus expérimenté, tu vas rester sur cette stratégie coûte que coûte. Forcément, cette stratégie va demander un haut niveau d'exigence parce que si tu as pris une stratégie d'un investisseur expérimenté, on va pas te laisser aller dans la nature en acceptant que tu mettes par exemple 100 ou 150 euros tous les mois de ta poche sur un investissement immobilier. On va vouloir que tu fasses du cash flow, que tu fasses des choses rentables. Et bien évidemment, tu peux le trouver, mais ça peut peut-être être un peu plus difficile. Par contre, quoi qu'il arrive, même si c'est dur, tu ne dois pas sortir de ta stratégie qui te permet d'être rentable et de multiplier les investissements immobiliers au cours du temps. Ça, c'est l'astuce numéro 1. On a une stratégie, on la garde. La deuxième astuce qui va de pair avec la première, c'est tu ne vas pas empiéter sur une partie de tes exigences. Si tu voulais certaines choses qui vont te faire être rentable, si tu es rentable, pour un loyer de 600 euros, tu te dis que tu es rentable à 90 000 euros, tu ne vas pas monter à 93 000 euros, à 95 000 euros. Tu te dis, c'est pas grave, j'en ai marre. De chercher de partout, je ne trouve pas, je vais quand même dessus. Tu as une exigence, tu as fait tes calculs pour avoir la rentabilité que tu souhaites, le cash flow que tu souhaites, tu ne sors pas de ça. Si tu te dis que tu voulais par exemple des charges de copropriété qui ne dépassent pas 50 euros par mois et que tu vas sur un bien où il y a 100 euros mais tu trouves qu'il est bien et que tu en as marre de chercher, non. Tu ne dois pas empiéter sur les exigences que tu t'es fixées, c'est super important. Tu as la stratégie, derrière tu as tes exigences, tu n'empiètes sur rien de tout ça. L'astuce numéro 3, c'est se préparer au fait que ça peut durer dans le temps. L'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc ça peut prendre vraiment du temps. Mais si tu es prêt au fait que des fois, tu vas mettre 6 mois à trouver un bien et potentiellement tu vas en acheter deux d'un coup. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, d'attendre longtemps et de passer deux fois chez le notaire dans la même après-midi. Ça peut arriver. Mais il faut être prêt dans sa tête au fait que ça peut durer un petit peu plus longtemps et d'un coup ça peut s'accélérer. Tu peux avoir trois chantiers à gérer en même temps, alors que pendant 6 mois, tu as vu les annonces et il n'y avait rien pour toi. Mais surtout, il ne faut pas acheter par dépit. Je vois trop de gens autour de moi qui me disent j'achète ça et je leur dis non, franchement, tu ne devrais pas y aller parce que ce n'est pas réellement rentable. Et ils me disent Damien, j'en peux plus, ça fait 6 mois que je regarde le marché matin, midi et soir, je ne trouve rien de rentable. Et du coup, ben voilà, j'achète, même si ça me coûte à la fin 150 euros par mois. J'y vais parce que je trouve rien de toute façon, donc c'est pas possible. Sache qu'il y a plus de bonnes affaires à faire sur le marché que ce que tu seras jamais capable d'acheter dans toute ta vie. Donc il y a des bonnes affaires toutes les semaines. Il y a des choses qui sont évidentes sur les annonces, il y a des choses à se créer. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place. Par contre, surtout, vraiment, je te le dis, c'est un conseil amical. N'achète jamais par dépit. Tu as le temps. C'est l'investissement locatif, ce n'est pas ta résidence principale. Tu n'es pas à la rue, tu as le temps. Et tu vas voir qu'un jour, tu vas mettre 6 mois pour acheter un bien et la fois d'après, en 2 mois, tu vas acheter 3 biens ou tu vas acheter un petit immeuble de 4 appartements. Juste, rester sur sa stratégie, ne pas acheter par dépit, ne pas faire de concessions, c'est ça le plus important. Donc, pour résumer dans cette vidéo, pour ne pas tuer ta rentabilité, numéro 1, tu vas te faire définir une stratégie et tu vas y rester. Numéro 2, tu ne vas pas empiéter sur tes exigences. Et numéro 3, tu vas te préparer au fait que ça peut être long, que c'est un marathon et que ce n'est pas un sprint. Et ça, très important, si tu mets tout ça en place, tu as ta rentabilité d'assurer. Donc voilà, si tu as aimé en tout cas cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-la à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Bah, tu peux le faire tout de suite. Cela te permettra d'avoir accès à toutes les nouvelles vidéos. C'est du contenu complètement gratuit. Mets-moi un commentaire si tu es d'accord avec moi, si tu vois d'autres choses à mettre en place pour ne pas tuer ta rentabilité. On interagit. Tout cela va me permettre de monter dans les moteurs de recherche sur YouTube, de faire connaître au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. Toi, d'ici la prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien, passe à l'action, kiffe, ciao ciao!